C'est par où qu'on doit parler? C'est par là? Ah, aïe! Aïe! Bonjour, c'est Cricri! Bon, en fait, je venais pour vous faire écouter un petit best-of de mes plus belles chansons. Allez, vas-y, balance le technicien! Oh! On va la compile! Qu'est-ce que je bois et qui me rend toute rouge? C'est la bière! Ah, pas que la bière, il y a le whisky coca aussi. Qu'est-ce que c'est qui me donne la tête qui tourne? C'est la bière. Oui, mais c'est rigolo quand même, quand on est bourré. C'est la bière. C'est la bière. C'est la bière. Qu'est-ce qui se passe? C'est la bière, bière, bière, bière. Je crois que je vais poser une galette. Je me baladais sur l'avenue, j'étais bourré, j'étais cul nu. J'avais envie de faire l'amour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, et on a fait n'importe quoi. Et on a fini la journée, j'étais complètement bourré. J'suis tout le temps bourré, voilà, parada. J'suis tout le temps bourré, voilà, parada. Sous ma peau, dans un lit, à midi ou à minuit. Jamais à dessouler, j'suis trop le corps bourré. Voilà. Qui c'est qu'a pris mon whisky? Pourquoi qu'il n'y en a plus? Pourquoi qu'il n'y en a plus? Pourquoi qu'il n'y en a plus? Qui c'est qu'a pris mon whisky? Pourquoi qu'il n'y en a plus? Ah bah ouais, c'est vrai, c'est moi qui l'ai bu. Ouais, oh, j'suis con des fois. Tout, tout, tout, moi j'aime bien tous les zizi. Le petit, le gros, celui qui pue. Celui qui a du fromage dessus. Celui qui a une odeur de pied. Celui qui arrive plus à se lever. Tout, tout, tout, tout, moi j'aime bien tous les zizi. Resserre-moi. Resserre-moi. Pourquoi que tu veux pas me donner ce que je t'ai commandé? Resserre-moi. Resserre-moi. Je vois bien qu'il te reste de la vodka. Tu veux pas me la faire à moi? Resserre-moi. Resserre-moi. S'il te plaît, resserre-moi. Eh, resserre-moi, sinon je te préviens, je te casse la gueule.